toutes et toutes et bienvenue dans le Mag d'Actu sur Radioactive, l'émission qui met en lumière les initiatives locales et plus particulièrement les manifestations associatives. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un événement qui se déroulera à la piscine de l'Île d'Or, ce sera au mois de juillet, mais on en parle d'ores et déjà, vous le comprendrez rapidement parce que les inscriptions sont déjà possibles. C'est l'ACA Natation qui, en partenariat avec des associations sportives d'Amboise, organise les Olympiades de l'Île d'Or. Ça se déroulera le samedi 6 juillet. On va tout savoir puisqu'aujourd'hui nous accueillons Claire Mollard-Houdille qui est nageuse et puis membre active de l'association. Bonjour Claire. Bonjour. Merci tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Radioactive. Enchantée, une première pour moi. Eh bien c'est très bien, on est content. Alors Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc vous m'expliquiez que vous étiez nageuse et membre actif de l'ACA Natation. Il y a longtemps que vous nagez? Oui, il y a longtemps que j'ai nagé. J'ai toujours été nageuse et depuis que j'habite en Amboise, il y a une bonne dizaine d'années, je participe et je nage au club de natation avec de temps en temps quelques compétitions. D'accord. Et puis ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'il y avait une implication aussi, je crois, dans le bureau de l'association pendant plusieurs années. En tant que membre, non, j'ai fait juste membre actif sur cette association-là. D'accord. Ok, très bien. Alors les Olympiades de l'Île d'Or, est-ce qu'en termes d'Olympiades plus largement, c'est un événement qui est national? Non, c'est plus un événement sportif pour clôturer la fin de saison. Et comme on est dans l'année des Jeux Olympiques de Paris, bah, ça permet de rassembler les jeunes du club et d'autres clubs et autres personnes pour différentes activités sportives, de l'initiation jusqu'à la compétition. Oui, c'est ça, de l'initiation jusqu'à la compétition, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Vous allez évidemment nous parler du programme. Donc cette opération, c'est la première fois qu'elle va se dérouler, ça n'a jamais eu lieu jusque-là. Ça n'a jamais eu lieu, c'est la première organisée par la CA Natation Amboise. Ok, alors qu'est-ce qu'on va retrouver le 6 juillet à partir de 10h, je crois, sur l'Île d'Or, pour tous les amateurs de natation, et pas que d'ailleurs. Et pas que. De la natation, de la natation artistique, du water polo, du baby gym, du tennis, du judo, également du kayak, du water polo, de la nage en eau vive, et également un triathlon. D'accord. Plusieurs formes de triathlon. Ok. Donc il y aura des stands des différents clubs qui présenteront les activités qu'ils peuvent proposer, notamment à l'année, j'imagine. Tout à fait. Le stand de natation, de gym, de tennis et de judo seront présents afin de présenter leurs différentes activités pour les petits comme pour les grands. Alors, en termes de sport aquatique, vous avez évoqué la natation, water polo, kayak, vous avez parlé de la nage en eau vive. Comment vous allez coordonner toutes ces activités pour qu'il y ait de la place pour tous? On a un planning et les inscriptions sont en ligne jusqu'au 15 juin. D'accord. Et toutes les informations, il y a un lien qui renvoie sur toutes les inscriptions possibles. Et après, chaque association recontactera les personnes qui souhaitent participer. D'accord. Donc, si moi, je veux participer au water polo, d'ores et déjà, je vais aller voir le planning pour m'inscrire à l'horaire indiqué. Tout à fait. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire? Sur le site ACA Natation, une page complète sur les Olympiades et chaque activité est détaillée et chacun peut s'inscrire à l'activité souhaitée ou plusieurs. Ah oui, on peut en faire plusieurs. Oui. Oui, en même temps. Alors si de 10h à 19h, je viens nager à vos côtés ce 6 juillet, est-ce qu'il y a la possibilité de se restaurer sur place? Oui, il y aura une buvette et une restauration sur place avec des frites, des saucisses en douillette, des glaces et différentes sortes de boissons pour petits et grands. Très bien. Alors, on imagine qu'on peut s'inscrire en tant que particulier, de manière individuelle, mais est-ce qu'on peut venir en groupe? On peut venir en groupe. Il y a des challenges entreprises, notamment. Oui, challenge entreprise, ou ça peut être en groupe d'amis. La partie triathlon, c'est par trois personnes, une personne qui nage, une personne qui pédale et une personne qui court. Donc, par équipe de trois. Mais alors, faut être déjà un nageur aguerri ou bien ça s'adresse aussi aux amateurs? Non, c'est un mini triathlon. Il y a une partie compétition, mais il y a aussi une partie, on va dire, plus loisir pour pouvoir tester, s'initier. Alors, je crois qu'il y a aussi une particularité ce jour-là à la piscine de l'Île d'Or, c'est l'entrée libre et la gratuité. Donc, une majorité des activités sont effectivement gratuites. Après, c'est plus sur la partie triathlon où on demande une petite participation. Mm-hmm. Et concernant la partie compétition, triathlon et natation, elle est réservée aux licenciés de la Fédération française de natation. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge limite pour pouvoir participer? Pour tout ce qui est triathlon, il faut au minimum 15 ans. Ok. Alors Claire, moi j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui a changé pour le club depuis qu'il y a le nouveau centre aquatique à Amboise? Est-ce que ça vous a notamment permis de développer de nouvelles activités aquatiques? Oui, tout à fait. Nous avions 4 lignes à la piscine Georges Valeret. Nous passons maintenant sur le nouveau complexe aquatique à 6 lignes. Une session natation artistique pour les jeunes a été lancée en septembre dernier et également une session triathlon avec de nombreux adhérents et on espère plus pour la suite. Que toutes les Muriel Hermine en herbe qui nous écoutent n'hésitent pas à aller du coup s'inscrire. Est-ce que lorsque l'on veut se tester à un sport aquatique, on peut venir essayer une fois pour voir si ça nous convient? Oui. Oui. L'essai est possible, oui. D'accord. Et là, auquel cas, on se présente, on s'inscrit peut-être avant, j'imagine. Il faut contacter d'abord sur le site, les coordonnées sur le site ACA Natation. Il y a un numéro de téléphone et un mail pour pouvoir prendre contact et un coach puisse après, ensuite, donner un rendez-vous et donner les renseignements nécessaires. Très bien. Alors, eh bien, on va rappeler que le samedi 6 juillet de 10h à 19h sur l'île d'Or auront lieu les Olympiades de l'île d'Or, une manière de faire un petit clin d'œil en cette année olympique. Pour participer à toutes les activités qui seront proposées à l'occasion de cette journée, il faut s'inscrire, n'est-ce pas, Claire? Donc, il y a une date butoir. Oui, il faut s'inscrire sur le site ACA Natation avant le 15 juin. À l'heure actuelle, les inscriptions sont déjà ouvertes et pour chaque activité, un lien avec tous les renseignements nécessaires. Pas besoin de certificat médical non plus. Ah d'accord, c'est important de le signaler, d'accord. On s'inscrit en ligne et les personnes inscrites seront recontactées pour plus de précisions par rapport à certaines horaires, par rapport aux activités. D'accord, eh bien merci beaucoup Claire Mollaroudi. Je rappelle que vous êtes une nageuse active, également membre actif de l'ACA Natation à Amboise et que vous faites partie de ces petites mains qui organisent tout plein de choses pour notre territoire et on vous en remercie. Merci à vous Radioactive merci pour cette beaucoup. Première expérience. On espère que vous reviendrez. Bah, volontiers, pour d'autres événements sportifs ou autres. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce mag, je rappelle le numéro pour pouvoir réserver éventuellement votre participation aux activités de ces Olympiades de l'île d'Or, le 06 42 76 90 44. On se quitte en musique et on se dit à bientôt pour une nouvelle édition du mag. Au bord de la piscine, on est toutes hésitantes. On est comme des gamines, même si tout ça nous tente. Mais aucune imagine où elle a mis les pieds. Et les mains dans nos jeans, on est frigorifiés. Au bord de la piscine, on voudrait la goûter. Mais une fois dans le grand bain, on ne pourra s'échapper. Chacune de nous devine ce qui dort au fond. Il nous faut rire par défaut. Seul au milieu de la piscine, tu vois.